Troisième partie. La vieille, après avoir appuyé le doigt sur le timbre de la grille, considéra sa robe de soie noire. Elle datait du temps de sa pauvre fille. Elle-même l'avait coupée et faufilée. Mais il restait peu de choses du vêtement primitif après toutes les réparations faites au cours de sa longue existence. Elle reconnut que cette robe n'était pas mal du tout. Un peu passé de mode, mais l'article de qualité est toujours apprécié par les personnes intelligentes. Et maintenant, on ne fait plus de soie comme celle d'autrefois. Elle avait la tête nue, mais elle était fière de sa chevelure blanche, superbe et abondante. Elle admira, de l'autre côté de la grille, le petit hôtel entouré d'arbres. Ce qu'une femme peut gagner avec ses jambes. Mais l'approche d'une jeune fille à tablier et à bonnet blanc ne lui permit pas de continuer son examen. Cette domestique élégante avançait, attirée par l'appel du timbre. Ses allures de gavroche déplurent à la vieille, non moins que sa voix rude et le regard de mépris dont elle la toisa de la tête aux pieds. « Bonne femme, si c'est pour demander la charité à madame, venez un autre jour, madame n'y est pas. » La vieille balbutia d'indignation. Le coup de poing que recevrait la drôlesse si la grille ne les séparait pas. La vieille commençait à faire de terribles allusions à la poitrine plate de la donzelle, à ses lignes anguleuses de garçon et le diapason d'injures s'élevait rapidement quand elle se sentit touchée à l'épaule. Elle tourna la tête et vit, près du trottoir, une automobile qui venait de s'arrêter. Une femme élégante, qui en était descendue, lui souriait et se jetait à son cou. « Grand-maman ! Grand-maman !» Elle remarqua d'abord que la danseuse célèbre était en deuil. Sa toilette était superbe, tapageuse, mais c'était tout de même une toilette de deuil, et cela ne pouvait être que pour son frère Albert. La vieille se sentit doucement entraînée de l'autre côté de la grille que venait d'ouvrir la domestique. Elle allait exterminer du regard et de la voix l'insolente. Mais déjà celle-ci avait baissé les yeux, toute penaude. Ce qu'elle avait pris pour une mendiante, c'était la grand-mère de madame. En même temps, elle déplorait en son fort intérieur les injustices du sort. Elle avait préparé son baccalauréat. Elle avait là-haut, dans sa chambre, un cahier de vers. Et cependant, aucun prince de légende ne venait l'enlever et lui faire cadeau d'un hôtel semblable à celui de l'autre. La vieille, parcourant les salons de la danseuse, allait de surprise en surprise. Elle s'était imaginé le luxe d'une autre manière. Des sièges élevés et somptueux, des meubles monumentaux. Ici, à peine si l'on trouvait à s'asseoir. On ne voyait que des divans bas, des coussins posés sur le parquet. Les meubles avaient l'air si fragiles qu'on osait les toucher. Les couleurs des murs et des rideaux étaient si bizarres et si compliquées qu'elles donnaient le vertige. À peine la vieille eut-elle prononcé le nom d'Albert que sa petite fille s'émut et perdit aussitôt sa gaieté d'oiseau. « Comme sa mort me fait de la peine !» dit-elle les yeux humides. « Nous étions mal ensemble, à peine si l'on se voyait. Il ne pouvait comprendre ma manière de vivre. Mais je l'aimais bien tout de même. » Elle prit un portrait qui était sur une petite table à une place de choix et y porta ses lèvres. C'était le portrait d'Albert. Cette fidélité du souvenir émut profondément l'aïeul. et on disait encore que Juliette était ceci et cela. On lui reprochait son métier, son genre de vie. Un cœur d'or! Son enthousiasme se refroidit un peu lorsqu'elle remarqua le calme avec lequel la danseuse écoutait le récit de sa découverte au cinéma. « C'est curieux !» se borna-t-elle à dire. « Vraiment curieux !» « Tu veux m'emmener voir ça ?»« Bien, je t'accompagnerai ce soir, mais à une condition, c'est que tu restes à dîner avec moi. » Le souvenir de son frère avait éveillé en elle d'autres réminiscences. « Hélas, petite grand-mère, le pauvre Albert n'est pas le seul qui soit allé à la guerre. Il y en a d'autres qui sont encore vivants, et ceux qui vivent donnent plus de soucis que les morts. » Elle pensait à son ami, un jeune homme riche, que la fruitière n'avait jamais vu et qui, au dire des gens, devait finir par épouser Juliette. Elles ne purent causer davantage. C'était l'heure du thé, et les amis commencèrent à venir, toutes en toilettes élégantes, excentriques, qui faisaient clignoter la bonne vieille et bouleverser toutes ses idées. Certaines, en dépit de leur mise extravagante, enviaient le deuil de Juliette. L'une d'elles alla plus loin dans l'expression de ses désirs. « Quelle chance d'avoir un mort dans la famille ! Le noir va si bien !» Toute fumée, elle s'était étendue à même le parquet, sur des peaux d'ours blancs ou sur de moelleux coussins de soie, bouffant avec un creux au centre, pareil à des calebasses. Les unes s'étiraient, pareil à des fauves paresseux, insoucieuses de ce qu'elles laissaient à découvert. D'autres appuyaient le menton sur leurs genoux, qu'elles tenaient de leurs bras croisés. Le thé était aussi sur le parquet, dans un grand plateau d'argent, sur lequel une petite lampe à alcool agitait son aigrette bleue, presque invisible. Vaillamment, Juliette avait présenté la vieille à ses amis. « Grand-maman, qui vend tous les matins des légumes rue Le Pic, je suis fière de mes ascendants, tout comme un petit-fils des croisés !» Rire général de ces dames qui, d'ailleurs, oublièrent bientôt la bonne vieille. Celle-ci voulut partir. Elle n'aimait pas ces mœurs-là, mais en même temps, elle craignait d'offenser sa petite fille. Elle passa furtivement de siège en siège, comme une gamine qui cherche à s'échapper. Et de la sorte, elle arriva jusqu'à la salle à manger. Là, elle prit de l'assurance, et se mettant sur pied, elle s'aventura franchement dans un passage voisin. Elle heurta presque la femme de chambre qui revenait au salon en portant un peu plus d'eau chaude pour le thé. La vieille la salua d'un grognement rancunier. « Chipie, gaupe !» Après cette suprême insulte, elle se sentit plus légère et se mit à descendre quelques marches pour aboutir enfin à la cuisine. C'est là qu'elle admira, plus que dans les salons, le bien-être de sa petite fille. Quelle abondance! Que de casseroles, brillantes comme des astres! La cuisinière lui fit les honneurs de séant en posant sur la table deux verres et une bouteille. Elles la vidèrent en parlant de leur peine. Ensuite, la servante tira une photographie qu'elle baisa et montra à la visiteuse. « Mon fils est chasseur alpin, ce qu'on appelle diable bleu, et il est dans les Vosges. » La vieille, pour ne pas demeurer en reste de politesse, tira aussi de son corsage un portrait de soldat. « Mon petit-fils, ils l'ont tué, mais maintenant, il travaille tous les soirs au cinéma. » La cuisinière s'agita nerveusement sur sa chaise en écarquillant les yeux. Décidément, Cette vieille était folle, comme l'avait dit la femme de chambre. Mais elle se tut, vu que c'était la grand-mère de madame. Jusqu'à l'heure du dîner, la revendeuse resta dans ce paradis, dont elle admirait les magnificences. Mais ensuite, elle éprouva de l'ennui et une certaine gêne lorsqu'elle se vit en haut, dans la salle à manger, assise à une table immense, ayant en face d'elle sa petite fille, et à quelque distance, un valet cérémonieux, aussi peu sympathique que la femme de chambre. Elle admirait les services. Elle reconnaissait qu'elle n'avait jamais mangé si bien, mais elle avait grande envie d'en finir au plus vite. Elle regarda la pendule de la cheminée. « Près de 8 heures !»« Ne te presse pas, grand-mère, on a le temps. Mon auto nous mènera en un instant. » Soudain, vif émoi dans tout l'hôtel. Grand carillon de timbre, cri de surprise de la soubrette antipathique, bruit de porte, voix d'homme. La femme de chambre entra en courant. « Madame, c'est monsieur !» Elle n'en dit pas davantage, mais la vieille devina tout. Elle savait bien qui était monsieur. Elle vit alors un beau gaillard en uniforme d'aviateur qui entrait violemment, comme une trombe. Il n'eut pas à avancer beaucoup, car la danseuse courut se réfugier dans ses bras. Juliette, quelques instants auparavant, parlait de lui avec tristesse. Il y avait 6 mois qu'elle ne l'avait vu. Il était impossible d'obtenir une permission en ce moment. L'aviateur s'expliqua en paroles entrecoupées. « Permission inespérée, courte mission à Paris, 24 heures, pas plus. » Il ne put en dire davantage. Tous deux s'étaient étreints en se balançant avec une gaieté folle. Et bientôt, des baisers sonores, scandaleux, éclatèrent. On eût dit qu'on faisait sauter le champagne. La vieille se leva, grave, les sourcils froncés. Une personne était de trop ici. Inutile de se le faire dire. En la voyant sortir, Juliette se détacha des bras de son amant et courut à elle pour lui donner des explications. « Tu vois, il ne vient que pour 24 heures. Impossible aujourd'hui. Un autre jour. Il faut s'occuper des vivants. » La vieille se vit alors dans la solitude de la rue, glacée et noire. Les réverbères, encapuchonnés à cause des attaques aériennes, ne servaient, avec leurs minces filets de lumière, qu'à donner plus d'intensité à ces ténèbres partout répandues. En marchant, elle répétait les mêmes mots comme une litanie. « La vie veut vivre. Il faut que les vivants vivent. Malheur à celui qui meurt. Les morts finissent plus vite que les vivants. » Oui, tous abandonnent les morts. Jusque dans la salle du cinéma, elle nota la même ingratitude. Ce soir-là, il n'y avait qu'une 20aine de personnes. Le public du faubourg était déjà là, des aventures de l'Alsacienne poursuivies. Tout le monde connaissait son histoire. La vieille prit place avec la majesté d'un roi qui se fait donner une représentation pour lui seul. Dès que son petit-fils apparut, elle lui parla doucement, à voix basse. « Bonsoir, mon petit. Tout le monde t'abandonne. Tout le monde t'oublie. La vie est ainsi. Mais ne crains rien. Ta grand-mère ne te laissera jamais. Tu mourras ici toutes les nuits. Toutes les nuits !»